sauvagerie. J'ai beau dire ce que je pense, on me comprend pas. Quand je dis des vérités, font-ils, j'entends pas. Sois discret, tes délits t'en vendent pas. Nous on vise haut parce qu'on vient d'en bas. Mais sur le guidon, genoux sur la selle. La calache est criminelle dans les rues de Marseille. Essaye, faut de l'oseille, essaye. Toi tu bégayes, gay quand tu poses ta taille, taille. Je ne comprends pas. Tu fumes la verte, verte et j'attends jour de paye. Je te nique le compte de taille. Quand tu t'y attends pas. Il faisait le pilote, on a bu solier. Garçon, attention, on est mauvais, on peut balayer. La pointe à rougement, tous devant la jugement. Entre eux, tous ment, sans sortir, tous tentent. Pas de prise de voix, que des prises d'otages. Ouais, choisis des stress. De Panama, Seymour, y'a que des sauvages. Ouais, choisis des stress. On a vu les flics et on est cavalé. Le bout du canon, tu vas l'avaler. Trop de frères, mon room, nous t'es au balai. Calage du Joule, je ne comprends pas. Solidaire lors des attentats. Après ça ton côté raciste le rattrapera. Jules le sort. Ouais mon gars monte le son. Le regard froid et menaçant. Je rappe pas, je mets des coups de pression. Je suis pas trop sentimental, je vois kicker l'instrumental. J'ai le mental de métal et j'étale en freestyle. Rougement c'est la capitale, bienvenue chez les brutales. Plutôt j'rais qu'elle héritale, c'est qu'à la j'rame fatale. Le keuf me cherche, je suis pas là. On te laisse au sol, au côté, Kala. Y'a qu'à Tobin, à tossé, Pella. Même Jules va rapper en lit, Ngala. Calage criminel, c'est le main qui l'a. Passe nos journées, esquivez les Mbella. Pas de prise de voix, que des prises d'otages. Ouais, choisis des stress. De Panama, Seymour, y'a que des sauvages. Ouais, choisis des stress. On a vu les flics et on a cavalé. Le bout du canon, tu vas l'avaler. Trop de frères, mon room, non t'es au balai. Calage du Joule, je ne comprends pas. C'est que t'es jaloux si tu envies l'autre. Les keufs débarquent à 6 du mat devant ta daronne, te mettent les menottes. Et je ne comprends pas, ils font les fous, ils savent pas qu'il y a des pompes en bas. Hey Jules, s'il y a un problème, cagoulé armé, ça fait ratata. En chien petit pack boulangerie. C'est la crise au tchèque, y'a de la sauvagerie. Y'a mes sauvages de Haïti. Comment rester d'Algérie? Sauvage! Je m'attache pas au fils, je fais le signe de l'eau flic. Au feu rouge, on se fixe. Il veut un selfie, me dit t'aimes trop mon fils. Faire du bénéfice, demande sacrifice. C'est la tête qu'on vise. Mirmo, M.A.T.O. tu es qui est Sims. Ouais, choisis des stress. Pas de prise de voix, que des prises d'otages. Ouais, choisis des stress. De Panama, Seymour, y'a que des sauvages. Ouais, choisis des stress. Ouais, choisis des stress. On a vu les flics et on a cavalé. Le bout du canon, tu vas l'avaler. Trop de frères, mon room, non t'es au balai. Calage du tout, la vie.